c'est bien, le Minitel ne fonctionne pas, donc c'est pas la peine d'appeler, vous dépenserez moins d'argent. Ouais. Mais vous pouvez appeler par le bien du téléphone, ouais. Ça coûtera moins cher. Et on va saluer Rigo sur Internet. Salut Rigo. Salut, bonsoir. Ça va Rigo ? Bien, tranquille. Donc, point, c'est www.funradio. Je sais pas dans ta gueule. Flash Fun Radio. Voilà, Flash Fun Radio. Et donc, on est déjà 1664. Ah bah d'accord, on commence déjà fort. 1664. On commence déjà peur, il est 0h19, on accueille Caniche. On fait quel débat là, Gérard, sur l'armée. Voilà, donc on a quels auditeurs? Canif. On peut écouter Fun Radio sur 94.5. Bonsoir Gérard. Bonsoir, Tagada, 21 ans, Paris 100.9. Salut. Ah, Tagada. Andouille, 20 ans de Chinon, on peut écouter Fun Radio sur 100.2. Salut Gérard. Salut. Croupion, 22 ans, Verdun, 93.9, Fun Radio. Bonsoir Gérard. Bonsoir Tony. Bonsoir Gérard, bonsoir toute l'équipe. Allez, bonsoir. Paris, Fun Radio, 101.9. Yes. Et Prothèse, 21 ans, Royan, 99 FM. Bonsoir Gérard, bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, première... Comment ? Big up. Merci pour Rigo, donc... Merci pour Rigo, c'est okay. Pas mal. Wesh. Alors, on commence. Celui qui a un téléphone portable ou pourri, là, qui le dise tout de suite, parce que ça commence déjà mal. De toute façon, Darty, c'est fermé à ce temps-là. Non, mais dans ces cas-là, s'il a un téléphone pourri, dans ces cas-là, il va voir Manu au standard, ça ira plus vite tout de suite. Hein. Je vais le trouver. Donc, alors, première question, avez-vous fait déjà l'armée? Si oui, dans quelle arme? On va demander à Andouille. Bah, écoute, moi, je suis désolé, mais j'ai jamais fait l'armée. D'accord. Canis? Bah moi, écoute, Gérard, en tant que fille, j'ai jamais fait l'armée, mais j'aurais aimé, franchement. D'accord. De toute manière, ça, c'est des questions qu'on va aborder lors du sujet aussi. Hein. Ouais, ok. Donc, Tagada? Moi, oui. Dans quelle arme? L'armée de terre. À 21 ans, t'as déjà fait l'armée, donc t'as devancé l'appel, alors? Bah non. Bah si. Bah non, ils sont venus me chercher. Non, attends, commence pas à dire des conneries, tu vois, parce que... je te dis tout de suite que... Non, mais Tagada. Oui. On se calme, ok. Donc, à mon avis, t'as devancé l'appel parce qu'à 21 ans, ils viennent pas te chercher comme ça. Hein. Alors, on me prend pas pour un con. Me prends pas pour un con, s'il te plaît. Ça dépend si vous voulez s'engager. Tu voulais t'engager, Tagada, ou pas? Bah oui. Non, mais attends, ça, les trucs sur l'engagement, c'est moi qui les pose des questions, c'est pas toi, d'accord? Non, mais tu dis c'est mais pas non, possible. Non, mais tu as pas commencé déjà le premier débat d'accord, comme ça. Je vais poser une question, je suis désolé. Andouille. Oui. Toi-même. Bah, moi, j'ai déjà répondu. Là, t'as déjà répondu, c'est vrai, je t'ai passé en premier. Croupion. Ouais, alors moi je suis totalement anti-militariste, donc il est hors de question que je mette les pieds dans une caserne avec des cons, quoi. Ouais, mais ça, oh là, merci pour le Larsen. De toute manière, ça, je vais te dire une chose, que maintenant, ça va être bientôt obligatoire, alors donc, t'auras pas le choix. Tony. Moi, je suis pro-militariste, mais je me suis fait réformer. D'accord. À 20 ans, t'en es sûr de ce que tu me dis, là? Sûr et certain, ouais. Ouais. Je pense pas à moi, à mon avis. Et je te jure, et puis je te raconterai même l'histoire si tu veux. Ouais, non, mais j'ai pas besoin de savoir toute l'histoire complète. Prothèse. Ouais, bah moi je voulais m'engager, mais je me suis fait réformer parce que j'étais pas assez con pour faire l'armée. De toute manière, y a pas besoin d'être con pour faire l'armée, d'accord? Parce que si tu veux dire ça pour moi, tu vois, je vais te dire une chose. C'est pas pour toi, Gérard. Non, mais il n'y a pas besoin d'être con pour faire l'armée. De toute manière, l'armée, c'est obligatoire et c'est tout. Tu m'as tout à fait. Les cons, de toute façon, ils sont chefs. Ouais, de toute manière, avec un con comme moi, on s'amuse. Avec un con comme toi, on se fait chier, d'accord? Il y a Zioui qui te demande si tu aimes ramer. Je vois pas du tout le rapport avec le débat. Hein. Pourtant, donc, moi, clair, je peux vous dire que j'ai fait l'armée. Dans quelle arme? Eh, au fait, personne m'a dit dans quelle arme. Dans quelle arme, Gérard, au fait? Non, mais. Au fait, Prothèse. Gérard, quelle arme? Anglaise. Ouais, pour l'instant, c'est moi qui pose des questions. Ouais, mais dans quelle arme, au fait, Gérard? C'est moi qui pose des questions, c'est pas vous. Oui, mais dans quelle arme? C'est moi qui pose des questions, toi, prothèse. Au fait. Ouais. Dans quelle arme, toi? Au fait. J'ai été réformé, je t'ai dit. Eh, ce que tu dis au fait, tout à l'heure, tu vas te calmer, toi. Je voulais m'engager dans les RIMA, régiment d'infanterie marine. Ouais, dans l'infanterie. Marine. Tony. Je te dis, je me suis fait réformer, mais moi, je voulais n'importe quoi, de la cuisine, de n'importe quoi, moi, j'aurais fait. Mais bon. Croupion. Oui, tout sauf la Légion. Ouais. Andouille. Moi, je serais plutôt partie dans l'arme blanche. C'est-à-dire, ça sera le pain? On a ôté les mots de la bouche. Ben, ça sera le pain, hein, les blanches, ouais. Les samouraïs. Tagada. C'est quoi la question? Non, mais je te demande dans quelle arme, abruti, parce que tout à l'heure, tu vas dégazer, ça va aller vite, toi, si tu commences. Dans quelle arme, quoi? J'ai fait l'armée? Ouais. Bah, je te l'ai dit tout à l'heure, dans l'armée de terre. Non, non, tu ne l'as pas dit, nuance. Si, je l'ai dit. Canis? Bah, moi, j'ai rien Canif, fait. Canif, feu. Canif, ouais. Bah, j'ai rien fait, mais ouais, dans l'armée de terre, j'aurais aimé. Ouais, mais moi, c'est... Tu verrais, il y a des mâles dans l'armée de terre. Ouais, bah, oh, tu te calmes, toi, parce que tout à l'heure, tu as peur comme la semaine dernière, Tony. Attends, Gérard, toi, tu l'as fait dans quelle armée, alors? Moi, j'étais dans l'infanterie, dans le 110e RI, en Allemagne. Et t'inventais quoi? Non, mais c'est le 110e régiment d'infanterie, abruti. Ah, infanterie, j'ai compris. Et toi, dans quelle arme tu l'as fait? Tu ne l'as pas fait, parce que toi, non. T'es trop con, alors. Déjà, lui, il est trop con déjà pour faire son standard. Il attend 11h30. Il y a un petit sondage qui nous a été communiqué. Donc, à la question pour ou contre l'armée, 20% des gens. Non, mais c'est important de savoir, Gérard. Ouais, mais ça, on en a rien à foutre de pour ou contre. Bah non, parce que c'est un débat, on en parle. On veut savoir. Oui. Donc, 20% des gens sont pour Alain Prost. 30% des gens n'ont pas de permis. Et 50% n'ont jamais été à l'armée en un seul mot. Bon, alors déjà, les deux premières questions, je vois pas ce que ça vient foutre là-dedans. Bah, les gens ont répondu ça, ils sont... Ouais, mais ceux qui répondent ça, c'est des cons, c'est pas de ma faute. Donc, deuxième question, à quoi l'armée sert-elle de nos jours aujourd'hui? On va demander ça à Tony. Non, on va demander à Tagada. Pardon. Tagada. Ça sert des mecs. Putain, mais... Non, mais t'es vraiment con, toi. Il y a eu le sergent du mec, après il y a eu l'infirmier, je m'en rappelle. Ah, l'infirmier. À quoi sert l'armée de nos jours aujourd'hui, Tagada? Tu réponds correctement ou sinon tu gerbes. Bon. À former des hommes, des vrais, des mâles. Hein. Bon, Manu, tu me prends Tagada, tu y ouais, expliques mais... comment que ça se passe un débat. Ouais, mais peut-être que pour lui, justement, ah ouais, l'armée, pour lui... Ouais, non mais explique-lui quand même comment que ça se passe un débat. Parce que toi, tu poses une question, il doit répondre. Ouais, mais voilà. Pour l'instant, s'il répond à côté de la plaque, c'est pas la peine. Non, il répond ce qu'il veut. Rigo, attendez, s'il vous plaît. Rigo, il y a une question, non? Ça va très vite, vu qu'on est en train de dépasser les 1800 connectés. Oh là là là là. Alors, l'armée sert à se mettre des cotons-tiges dans le cul. Non, ça va trop vite, j'ai pas trop le temps. C'est qui s'amuse à dire ça? C'était un certain Gérard que... Enfin, bon. Ah bon, d'accord, ok. Andouille. Ouais, l'armée, ça sert à se battre. Ah bon, pour toi, l'armée, je suis pas d'accord. On se bat. C'est une école de bagarre. Ah bon? Ah oui, attends. C'est excellent pour foutre le brin dans les rues. Ah ouais, d'accord. Alors, tu crois que c'est l'armée qui fout le bordel dans les rues? Non, mais je pense que là-bas, c'est une bonne école pour apprendre à se battre. Ça fait qu'après, quand tu rentres chez toi, tu peux te battre tranquille, quoi. Ah bon, c'est nouveau, ça? Ouais, vive la guerre. Ah ouais, c'est nouveau, ça vient de sortir. Ça faudrait que je réfléchisse à cette question. Canif? Bah écoute, moi Gérard, pour moi je sais vraiment pas à quoi ça sert, parce que vu le peu de gens qui veulent y aller, ça doit pas servir à grand chose. Ça sert pas à grand chose dans l'ensemble. En fin de compte, tu perds carrément facilement un an de... Si t'es en stage ou au boulot, tu perds facilement une année de pour rien. Hein. Ouais, mais... Non, mais attends, je vais pas finir avec tout le monde, on va demander à tout le monde. Andouille, elle a répondu croupion. Ouais. Donc toi? L'armée, ça sert à faire chier les gens, à faire chier les Parisiens tous les 14 juillet pour voir défiler 5000 connards. Ah ben ça, voilà, merci pour le Larsen. Y'a pas de quoi. Tony? À se faire sodome. Ah ouais, d'accord. Alors Tony, tu me redis encore une connerie comme ça, je te préviens, tu fais comme la semaine dernière, je te gerbe au premier débat, ah, ok? Tu poses des questions, je te réponds. Non, mais je te demande, sois un peu moins con hein, que tu l'es. Tu réponds correctement aux questions, sinon tu gerbes. Je te le dis tout de suite, parce que je n'ai pas l'intention de me faire chier ce soir. Je suis désolé. Gérard, sur IRC, il y a le chien qui te demande s'il faut savoir faire du windsurf pour faire l'armée de l'air. Oh là, c'est quoi ça? C'est quoi du windsurf? Si quelqu'un pouvait me dire, c'est quand tu sautes en parachute avec ton tank. Ah d'accord. Non, non, non. Tu sautes, alors tu vas t'as un petit... Qui c'est? C'est un gada. Un petit string rose avec des petites dentelles sur le côté. Ensuite, t'as une jarretière, voilà. T'es sur un surf et tu prends un gros col. Alors, bon. Le gosse, c'est bon, t'es gada, ça y est, c'est bon, on a compris. Protest pour finir le thème ouais, de l'armée. Bah, l'armée, je dirais que ça sert à apprécier le kaki et les corvées de shot. Bon, bah ça, donc, moi, je... Comment? Ouais, non, mais rien. Qui c'est qui a voulu rajouter quelque chose Tagada. Tagada? Vous voulez? C'est pas moi. Bon, alors... Non, mais c'est pas grave, vas-y. Donc, c'est pas... Donc l'armée à l'heure actuelle sert à quoi? Bon bah en fin de compte comme j'ai dit tout à l'heure sur Andouille ou Croupion qui m'avait parlé de ça que bon bah j'avais vaguement dit. Donc normalement l'armée c'est en fin de compte vous perdez un an de salaire parce qu'en fin de compte vous êtes pas sûr de quand vous ressortez de l'armée de récupérer votre emploi. Ouais, normalement c'est... Oui, mais normalement si c'est vis-à-vis de la loi et selon les collection collective de la société. Normalement, ils sont obligés de vous reprendre quand vous avez terminé l'armée. Ils sont obligés de vous reprendre facilement. Normalement, si je ne me trompe pas, et je pense que Manu ou Fildar ou Grosvaux pourront confirmer. On confirmera que normalement, c'est un mois normalement. Par contre, Gérard, oui, c'est Manu là. Ouais, l'armée, ça sert pas. Tu peux pas passer ton permis gratuitement, tout ça, des trucs. Mais justement, mais attends, mais c'est pas les bonnes questions, Manu, que tu poses. Celle-là, on va la poser, mais c'est la toute dernière. Je savais pas. Je suis désolé. On a commencé plus tôt. Et Gérard, je vais te demander ceux qui vont à l'armée et qui avant n'avaient pas de travail. Est-ce qu'ils récupèrent après? Bah ça, s'ils en ont pas, ils pourront pas en retrouver derrière. Donc c'est l'arnaque. S'ils en avaient pas au départ, ils en auront pas à la sortie. Ouais, sauf parce que maintenant, faut dire une chose. À quoi sert l'armée? C'est qu'on peut très bien aussi trouver un job à l'armée et à la sortie si vous avez été compétent pendant les 12 mois qu'on. 10 mois. Est-ce que tu peux avoir un diplôme? Un diplôme. Non. Tu peux avoir un diplôme à l'armée? Non, c'est impossible. Ah bon. Déjà, c'est tout juste s'il y en a qui arrivent à récupérer leur permis de conduire à la fin. Mais si on passe son permis à l'armée, c'est envisageable de le voir dans le civil. C'est qui me pose ça? Ouais, mais attends, Tony, c'est la 11e question. C'est la dernière question, Tony. Ah, pardon, excusez-moi. Donc, si vous voulez commencer par la 11e, on va le faire tout de suite. Et... Non, mais si, on va. C'est comme t'en parles. Ah, bon, allez, on fait la 11e. Allez, bon, donc, Tony, comme t'en parles, attends, on fait la 11e. Après, je vais la 8 et la 6, si c'est possible. Bon, ça y est. À la bouffe. Donc, alors, avez-vous eu l'occasion de passer votre permis de conduire donc à l'armée? Donc, on va demander à Prothèse. Non. Si vous voulez, mais c'est justement pour ça que je vais m'engager. C'est pour passer tous mes permis, puis après, j'ai pas pu. De toute manière, attends, si tu t'engages. Il faut bien préciser une chose, que si tu veux passer ton permis, de manière, même en t'engageant, tu es obligé de faire ton engagement jusqu'au bout. Hein. Et si tu t'engages, normalement, c'est pour 2 ou 3 ans, ça dépend du temps que tu veux faire. Hein. Ça dépend l'armée aussi. Moi, on m'a dit que les épreuves de conduite, elles étaient à l'armée, elles étaient redoutables. Mm-hmm. C'est vrai. C'est Tony, ça? Oui. Ouais, non, mais ça, je vais te dire... attends, Tony, je te prends tout de suite. Oui, oui, tu me reconnais. On a de la chance. Il y a Thomas sur IRC qui te demande si t'as été maître chien à l'armée. Est-ce que c'est de là que vient ton histoire d'amour récente? Maître chien, je pense pas que... Le chien aussi. Tony. Oui. Je te dis, tu arrêtes tes conneries, sinon tu vas dégager avant 1h du matin, toi. Ça, c'est pas envisageable. Ouais, c'est envisageable, alors fais bien gaffe. C'est inadmissible. Ouais, alors donc, tu disais, toi, tout à l'heure, tu voulais comme tu avais une question à me poser, donc tu peux peut-être finir ta pensée. Hein? Bon, d'accord. Tony, je crois que tu vas gérer. Non, c'est pas moi qui ai parlé, là. Non, mais... T'avais une question tout à l'heure, Tony, à poser, vas-y. T'avais une question. Ça se finissait par B, c'est ça? Bon, d'accord. Tony, ça commence à bien faire pour toi. Non, mais hein. C'est quoi la question? Croupion, Croupion. Ça y est, Tony. Ça y est, Tony. Croupion. Ouais. Donc, toi? De toute façon, j'ai pas fait l'armée, hein. Mm-hmm. Mais il est hors de question que je passe mon permis à l'armée. De toute façon, les instructeurs, ils savent pas lire, ils savent pas écrire. Hein? On n'entend rien. Mais ouais, non, mais c'est la condition sine qua non si tu veux rentrer. Oh là là! Belle! Croupion! Oui. Attendez, s'il vous plaît, Croupion. Oui. T'as pas un téléphone pourri? Non, non. Ça, c'est... Ça fait drôle, hein. Ouais, j'ai l'impression que c'est... Je vais voir. Un portable, ça. Hein. Andouille. Oui, bah moi, comme je t'ai dit, donc j'ai pas fait l'armée. Mais de toute façon, moi, ça m'intéresse pas de passer mon permis. Je préfère profiter des gens, tu vois, profiter de leur voiture. Comme ça, je paye rien. Ouais, mais ça, c'est un peu dégueulasse, n'empêche. Ah, ouais, mais enfin, chacun vit sa vie comme il veut. Quoi. Ouais, c'est vrai. Ok. Est-ce que tu le payes, le permis à l'armée ou pas, Gérard? Non, mais attends, justement, je vais répondre après à la question. Ah, d'accord. Tagada. J'ai marré 9 fois. Oh, Tagada, tu réponds correctement parce que tout à l'heure, ça va gerber, toi. Déjà, quand je te parle, t'évites de manger, t'évites de faire comme fil d'art. Non, il mange pas, là. Deux secondes, je voulais juste dire quand même, remercier les gens de l'IRC parce qu'on est déjà plus de 2000, on est 2011. Oh là là. Et je voulais saluer Yannick qui nous écoute en direct du Canada, ils sont beaucoup à nous écouter, on t'écoute à travers le monde. Ouais, bah c'est bien. C'est pas mal, ouais, je crois que... Beaucoup de minutes. Pas mal, attends. Je crois qu'on va battre les records. On s'est déjà fait. Canif. Ouais, bah non, écoute, Gérard, moi j'ai pas passé mon permis à l'armée, non. Mmh. D'accord. Donc, alors, tu voulais me poser une question Ouais, tu t'en rappelles plus? Non. Ouais, maintenant, tu vas la répéter, c'est con parce que. Est-ce qu'on paye le permis de conduire à l'armée? Non. Ça, c'est tu le payes pas parce que c'est toi qui demandes à passer ton permis, donc c'est gratuit. Mmh. Après, zéro point, de toute manière, ça dépend du contingent, dans quel contingent tu te situes pour passer ton permis. C'est quoi un contingent, Gérard? Par exemple, on est en combien là? C'est on comme est au mois de novembre. Non, c'est pas du tout pareil. Contingent, c'est par exemple... Non plus. Arrête de dire des conneries, toi, quand je parle. Merci. Contingent, c'est par exemple, c'est tous les deux mois. Donc, tous les deux mois, t'as un contingent. Comme là, le mois prochain, ce sera la 98-12. Ah, d'accord. C'est ça qu'on appelle des contingents. Ouais, c'est l'année plus le mois. Voilà. 98-12, c'est quelle ville, ça? Oh, ta gueule, toi. Donc voilà, comme ça, c'est la séquence d'agent. Et tu peux passer tous les permis tout ça. Non, tu passes uniquement que le permis B ou le gros, là, le 40 tonnes. Mais par contre, faut bien dire une chose, que celui qui passe son permis à l'armée, ils ont un certain nombre de kilomètres à faire pendant leur armée pour qu'ils soient validés après dans le civil. Mais par contre, il y a un permis qui n'est pas validé, et c'est dommage. Il est valable ou pas? Nous disons non, il sert à rien dans le civil, en fin de compte, ce permis-là. C'est le permis VAB, véhicule d'avant blindé. C'est les fameux trucs, là, tu vois, les sirous comme les gendarmes mobiles qu'ils ont là en ce moment. Ah, comme dans la Septième Compagnie. Ouais, voilà, grosso modo, mais ça c'est avec des chenilles, c'est pas pareil. Ah d'accord. Gérard, oui. Il y a un autre petit sondage. Mm-hmm. À la question, êtes-vous déjà allé voir une armée? 25% des gens, ils sont allés avec leurs femmes, 35% ils sont allés avec leurs enfants, et 40% ont demandé l'armée qu'elle a. Qu'est-ce que t'en penses? J'aimerais non mais attends, parce que là, il y a un truc, avez-vous déjà été voir l'armée? Je vois pas du tout le rapport. Bah, on peut visiter, non? Non, on visite pas. C'est pas un parc. C'est pas comme la Tour Eiffel. Non, il y a pas de. Sauf, je crois que c'est la garde républicaine, si je me souviens bien, qui s'amuse à faire des trucs portes ouvertes pour. C'est con. Pour simplement voir des chevaux, hein, c'est tout. Hein. Bah ouais. Gérard. Oui. Gérard, il y a vomi de porc sur l'IRC qui te demande si tu as fait la Deuxième Guerre mondiale. Non. Il te demande pourquoi. Et la troisième? Il y en a pas trois, hein. Il y en a eu deux, donc j'ai jamais fait ça. La guerre du Golfe. Non, mais ça a rien à voir. Ça c'est des questions. Il te demande pourquoi tu l'as pas faite. Bah parce que je l'ai pas faite, c'est tout. Il était pas engagé, il a pas gagné. C'était déjà là. T'étais réformé? Non, j'ai fait mon armée normalement comme tout le monde. J'ai fait 12 mois. Ils t'ont accepté toi là-bas? Bah oui. Pourquoi? Oui. C'est prothèse, je voulais savoir si tu avais participé au défilé du 14 juillet. En Allemagne, ouais. Ah, mais pas sur Paris. T'as défilé? Bah en Allemagne, oui, à moins 17 degrés. Ça. Et t'as défilé en quelle tenue? En treillis, hein. Avec les chevaux? Non. Il avait un petit string à dentelle rose. Bon, ta gueule, tu t'écrases parce que tout à l'heure, tu as dégagé, toi. Ok? Peut-on faire carrière en faisant l'armée? On va demander à Tony. Ah, moi je sais pas, enfin moi si j'avais l'occasion de faire carrière en faisant l'armée, je la ferais. Mmh. Et ça me branche pas du tout, l'armée. À chaud. Donc, ouais. Mais la Légion, il paraît qu'on peut faire carrière. De toute manière, quand tu fais l'armée dans la Légion, de toute manière, tu t'engages un peu. Hein. Ouais. Non, mais il y a des débouchés en tant que, je crois, on m'a dit, un gardien de chef dans l'Atlas. Ouais, c'est ça. Alors, Tony. Qu'est-ce qu'il y a? Tony, tu réponds correctement à la question parce que sinon ça va se terminer pour toi, tu vas retourner chez toi. Bah écoute, c'est ce qu'on m'a dit, je sais pas moi. Ouais, c'est ce qu'on t'a dit. Tout à l'heure, tu m'as dit que moi je reste imperturbable. Ouais, tu restes imperturbable, mais tu réponds à côté des questions. Hein. Bah non. Quand on te pose des questions, tu réponds les trois quarts à côté. Ok ouais. Alors si c'est pour répondre des conneries, c'est pas la peine qu'on t'appelle constamment pour faire les débats. Ok. Tu me drogues. Ok, bah si tu te drogues tout à l'heure, tu vas retourner écouter la radio tranquillement, hein. C'est tourné, Tony. Prothèse. Ouais, je pense que c'est possible, ouais. Ouais, mais dans quel sens, pour toi, ça peut être possible? Ça m'étonnerait, parce que vu que tu t'es réformé, donc... Ah ouais, justement, je m'étais renseigné au début à la caserne de chez moi. Mm-hmm. Puis, on m'avait dit que je pouvais faire carrière dans Maître Chien. D'accord, ben on verra ça après. Rigo, t'avais peut-être une question? Non, il y a juste Davy One. Attends, j'y vais vite fait. Il te demande si lorsque t'as fini de faire l'amour avec Sandy, tu l'as remis le couvert. Non, mais ça, c'est pas du tout le thème du débat. Donc, si c'est pour dire des conneries comme ça, comment tu t'appelles? C'était Davy One. Et on te demande aussi, c'est Oxide qui te demande si quand t'as été parachuté, est-ce que ton débat est suite au fait que tu n'avais pas de parachute? Ouais, ça, je vois pas du tout. Yes. C'est incompréhensible. Prothèse, toi. Regrettable. J'ai déjà répondu, genre. Donc, t'as répondu, croupion. Ouais. Donc, pour toi. Malheureusement, parce que malheureusement, on peut faire carrière. Donc, c'est chiant, il y a des gens qui font la guerre, ça, c'est chiant. Et heureusement pour certains, quoi, parce que tous ceux qui ont échoué au concours de maître chien, concours de la police, ils vont dans l'armée, quoi. De toute manière, dans l'armée, tu peux très bien faire ton service militaire dans la gendarmerie ou dans la police. Faut pas l'oublier. Ouais, non, mais en général, ceux qui font carrière, ils font pas carrière dans la police. Non, mais ceux qui veulent passer, ceux qui veulent faire être gendarme ou policier, ouais, peuvent le faire en faisant leurs 12 mois. Ouais, c'est parce qu'ils ont raté leur concours. Non, à l'armée, ils te demandent ce que tu veux faire et tu peux préciser si tu veux être dans la gendarmerie ou dans la police ou passer tes permis. Ou coiffeur. Ouais. Même cuisinier. Ouais, t'as plusieurs trucs, t'as cuisinier, t'as infirmier, coiffeur, on va pas s'éterniser sur tout ça. Hein. Andouille. Parce que généralement, comme Tagada, les gens, si Tagada avait fait l'armée, il aurait fait coiffeur. Non, mais attends, on va demander à Andouille. Et pas l'outrailleur. Andouille. Oui, écoute, moi je pense qu'effectivement c'est possible. Oh là là, mais qui c'est qui a un téléphone pourri là? C'est pas moi. Hein. C'est un portable. Donc, toi alors? C'est un portable. Non mais c'est tout à fait possible, à partir du moment déjà où on le veut vraiment, parce qu'il y en a qui y vont uniquement, ça leur fait chier. Ouais. Et puis, y en a qui... on laisse parler les gens s'il vous plaît, merci. Ouais, on me laisse parler moi. Et d'autre part, il y en a qui aiment vraiment ça, donc ils finissent par s'engager. Mmh. Et c'est particulièrement les gens qui aiment bien se faire bouffer le cul, quoi. Ouais, mais non, mais ça, Andouille, je vais te dire une chose, que la personne qui veut s'engager, Fildar, s'il te plaît, merci. Il a rien, Gérard. Ceux qui veulent s'engager, c'est leur problème. Hein. Oh, t'as hâte de siffler, toi, quand je parle, s'il te plaît, merci. Donc, je réponds à la question d'Andouille. Donc, il y a certaines personnes qui peuvent s'engager au bout de 6-7 mois, hein. Voilà. S'engager à quoi? Dans l'armée. D'accord. Et faire en fait leur métier de l'armée. Ouais, ils peuvent s'engager sur une durée, je crois que c'est de 2 ou 3 ans, je ne sais plus exactement. C'est quoi le métier de l'armée? Ça consiste en quoi, faire l'armée comme métier? C'est obligatoire, hein. Maintenant, tu peux pas y échapper, hein, sauf si t'es père de famille ou si t'es... Non, mais si par exemple, toi, t'imagines, toi, tu t'es engagé à l'armée à faire 3 ans d'armée. Qu'est-ce que tu fais à l'armée pendant 3 ans? Pendant 3 ans, tu peux monter de grade et tu peux commander ceux qui vont à l'heure actuelle. Mais faire quoi? Tu commandais à faire quoi? À faire leur riz au carré? À éplucher les patates? Ça, éplucher les patates, maintenant, à l'armée, pour dire une chose, qu'ils ont... Non, il y a des mixeurs. Non, ils ont des trucs exprès. Tagada. Oui, il y a INT qui te demande si t'as appris à lire à l'armée. De toute manière, t'as pas besoin d'apprendre à lire à l'armée. Ça se saurait, sinon. T'as pas besoin de savoir lire pour faire l'armée? Pas besoin, hein. Il suffit de savoir te torcher, c'est tout. Voilà. Tagada. Donc, T-A-N-K. Tagada. Oui. Alors, moi, je pense que... franchement, non. Alors, tu peux préciser? Non. Non. Alors, Tagada, oui, je te conseille une chose. Soit que tu réponds correctement aux questions quand tu les poses, hein, et quand on te demande de préciser, tu le fais, ou sinon tu gerbes. C'est bien précis. C'est inadmissible. C'est clair. Ok. Ok. C'est net. Alors, je te préviens, c'est la dernière, c'est le dernier avertissement que je te donne depuis tout à l'heure. Merci. Au prochain, tu dégages. Hein, ou sinon, tu vas passer voir Manu, il va te mettre tes points sur les îles et barres sur les quais, comme je dis souvent. Ou c'est qu'il va mettre les barres. Ouais, tu vas voir. Alors, ta gala, tu vas voir Manu, s'il te plaît. Allez, hop. Canis. Moi, Gérard, si j'avais dû rentrer dans l'armée, ouais, j'aurais bien voulu, mais oui, on peut, je pense, ouais. Vildar, elle est où? Si tu t'amuses à faire des conneries, tout à l'heure, je vais me lever, je vais te massacrer. Ah ouais. Okay. Tu vas pas commencer le premier débat. Tu vas me faire des tortures indiennes et tout. Ah ouais, tu vas voir. Fulgure au point. Ouais, tu vas voir, fulgure au point. La cogire. Donc, Canif, pour terminer. Gérard, moi je pense qu'on peut. Oui, on peut s'engager dedans, ouais. Non, mais est-ce qu'on peut faire carrière? Ah oui, c'est ce que je te dis, on peut faire carrière dedans, ouais. D'accord. Gérard, c'est dehors. Prothèse. Ouais, prothèse. Savoir, parce que comme toi, t'as fait ton service, t'es un peu enseigné sur le tout, quoi. Je voulais savoir si on pouvait faire animateur radio à l'armée. Non, pas du tout, tu vois. C'est une radio, Radio Kaki, par exemple. Non, parce qu'ils ont, ils ont leur système de radio à eux, donc c'est pas. Tu peux. C'est de la CB qui font, c'est ça, j'ai jamais. Non. Ils font quoi? Oui. Il y a CyberTiki sur l'IRC qui dit que la fanfare de la caserne de Suresnes joue tes remix pour motiver les troupes de corvée de chiottes, c'est vrai ça? N'importe quoi, lui. Bon, t'arrêtes, Fildar, avec ça. Donc, quatrième question, ça va intéresser Canif, Andouillé et Croupion. Ah, c'est une question. Faut-il supprimer l'armée aux femmes de nos jours? Alors, on va demander à Canif, parce qu'apparemment, vous êtes vachement bien réveillé, ça fait peur. Bah écoute, Gérard, on attend que tu nous cites quand même. Au début, je vous pose la première question, je vous demande à tous de réagir. Maintenant, quand je demande faut-il supprimer l'armée aux femmes, quand j'ai pas besoin de préciser, donc. Tu vas pas te plaindre. Bon, écoute, Gérard, je vais te calme, toi, elle se calme. Comment elle parle? C'est laquelle qui s'énerve? Tu parles à Gérard, là? C'est quoi cette bouffe? C'est laquelle, là, qui s'énerve? Non, mais j'hallucine. Andouille? Oh, pisseuse, va. Andouille, va voir Manu au standard si j'y suis. Allez, dehors. Canif. Bon, écoute. Canif. Oui, mais bon, donc, non, je pense pas, parce que moi j'aurais bien voulu, mais bon, la plupart des gens, ça veulent pas la faire. Ouais, non, mais je te demande, faut-il supprimer? Je te dis, pour moi, non, je pense pas, parce que moi j'aurais bien voulu la faire, l'armée, mais il y en a beaucoup qui veulent pas le faire, donc je pense que, vu la majorité, ouais, je pense qu'il faut le supprimer, ouais. Ouais, mais de toute manière, toi, à 19 ans, je pense que c'est un peu. C'est un peu jeune encore, hein. Ah ouais, de toute façon, j'ai laissé tomber, hein, donc. Ouais, non, mais même, de toute manière, faut que tu te fasses recenser de ta majorité, hein, donc. Ouais. Ils en parlent. Oh là, qui c'est qui s'amuse là? Ça commence à bien faire. Tagada, chien. Et je peux répondre à la question, Gérard? Non, 5 minutes, toi. Bah, 5 minutes. Tagada. Oui, moi, j'étais avec Manu, tu peux répéter la question. Alors, faut-il supprimer l'armée aux femmes? C'est pour oui. Toi, ça, Tagada. Alors, moi, tu vois, je me l'ai pas fait écouter assez tôt, donc j'ai dû la faire. Ouais. J'étais dégoûté. Bon, maintenant, ça va mieux. C'est propre, hein, tu me diras. Non mais Tagada, tu prends ta voix normale, tu prends pas la voix d'un travelot, d'accord? Parce que tout à l'heure, tu as dégagé, ça va être le dernier, ça va être vite fait pour toi, parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent participer au débat, ouais, ok? Alors, soit que tu réponds correctement, soit que tu dégages. Alors, je viens de répondre correctement, et t'as vraiment aucun respect pour la dignité humaine, hein, parce que c'est depuis l'opération, c'est ma nouvelle voix, tu vois? Ça te plaît pas? Hop, c'est bon, Manu, tu me mets quelqu'un d'autre parce que là, je crois que c'est pas, je vais pas continuer avec lui comme ça. Donc, Gérard, je voulais te demander, est-ce que les femmes, elles font la même chose que les hommes à l'armée ou pas? Oui. C'est-à-dire? Ils sont obligés de faire pipi debout. Tout ça. Non, mais ça c'est pas pareil. Mais elles sont obligées de faire comme les hommes, c'est-à-dire les corvées. Les pompes, tout ça. Ouais, mais ça c'est obligé. Attendez, s'il vous plaît. Attendez, parce qu'il y a sexe sur l'IRC qui te demande si quand tu étais à l'armée, tu te mettais la mitraillette dans le cul quand on te privait de coton-tige. Bon, ça, je vais même pas y répondre. Je réponds pas aux conneries comme ça sur IRC. Okay. Je peux répondre. Andouille. C'est pas grave. Donc, je tenais à préciser que Manu m'a repris à l'antenne et qu'il m'a calmé. Ouais, bah t'as intérêt de te calmer, sinon tu vas faire comme Tagada, tu iras voir où. Pisseuse. Bah, tu te calmes. Ouais, bah, c'est toi qui vas te calmer, parce que tout à l'heure, je vais passer à Croupion tout de suite, alors fais gaffe. Ouais, passe à moi. Alors, parce que t'es une dominante, toi. C'est bon, je peux parler? Vas-y, alors, dépêche-toi. Toi, tu m'excites. Oh, Tony, tu t'écrases, s'il te plaît. T'aurais été sergent chef. Alors, moi je suis contre. Parce qu'en fait, si les nanas elles ont envie de s'engager, elles ont bien raison. Et moi personnellement, j'irai quand je serai plus défait au mec. Mais pour l'instant, ça va, donc j'irai pas. De toute manière, tu seras obligé d'y aller, hein, faut pas l'oublier. Gérard, oui, à la place, à la place de Tagada, on accueille Je m'en fous. Ouais, salut, j'ai. Bon, je m'en fous. Moi, je voudrais répondre à la question sur l'armée, là, parce que tu parlais des filles. Moi, j'ai un copain qui fait l'armée, il m'a dit que des filles. Hey, tu peux préciser ton nom quand tu parles ? C'est Tony. C'est Tony, bonsoir. Ouais, ben, pour l'instant, je vais demander à Croupion, tu vois. Toi, t'es un peu toi, trop pressé. Toi, tu m'aimes pas, je sais pas pourquoi tu m'aimes pas. Ouais, ben, tu vas te calmer, s'il te plaît. Moi, je t'aime bien, Tony. Ah, merci. Moi, en plus, toi, t'es une demi-lente. Moi, tu m'écoutes de la meuf. Oh, ça suffit, là. Allez, on revient au débat. Croupion. Oui. Y a des femmes, ouais, qui sont dans l'armée. Mais en général, c'est des lesbiennes ou des mal baisées, donc c'est pas. Non mais, c'est pour la société qu'elles soient là-dedans, quoi. Hey, Croupion. Oui. Croupion, t'évites un peu trop les vulgarités quand même. Il est 0h54, on va pas commencer à jouer sur des saloperies, hein. Mais non, je dis pas des saloperies. Ah, Tony, s'il te plaît, merci. Croupion ou Chalmé, Rigo pour l'IRC. Ouais, sur IRC, on me demande si en fait c'est l'armée du salut que t'as fait. Non. Tony, maintenant. Donc ouais, tu parlais des femmes. Moi, j'ai un copain qui fait l'armée. Et il m'a dit que les femmes, fallait pas croire que c'était des mimours, G.I. Jane, tout ça. T'as des copains, toi. Parce que, ouais, j'ai des copains et des copines aussi. Ah, on se calme là derrière quand il y en a qui parlent, parce que tout à l'heure, ça va chauffer. Un petit peu de respect quand même, merde. Tony. Ouais, c'est ce que je disais. Et les femmes, faut pas croire qu'elles ressemblent à. C'est des canons, quoi, parce que c'est en fait, c'est des boudins. Là, je veux dire. La plupart. Et puis, elles sont souvent à l'infirmerie. Et puis, les pitas, elles font tout pour pas se blesser, en fait. Donc. Elles ont toujours leurs règles. Enfin bon, c'est chiant. Non, mais ça c'est leur problème. Les meufs, là. Eh oh, on se calme. Vas-y, je t'en prie. On se calme un peu là derrière, s'il vous plaît. Merci. Prothèse. Ouais, bah moi, Gérard, je pense qu'il faudrait leur supprimer parce que si les femmes se mettent à faire l'armée, après, il n'y aura plus personne pour faire la cuisine quand on regarde la télé, quoi. Non, mais attends, prothèse, à être manière, maintenant, ça devient obligatoire. C'est hein. Inadmissible. Ouais, mais ça devient obligatoire, hein, maintenant. Le macho, j'hallucine. C'est obligatoire maintenant, hein. Mais non, ah, mais ça y est, là, ça que tu n'arrêtes pas de jacter, là, ça commence à bien faire. Rigo. Ouais, c'est encore Cybertiti, comme tu lui as dit que t'avais pas fait l'armée du salut, il te demande si t'as fait l'armée des 12 singes. Mais lui, il a pas fait l'armée des cons, lui, ça vaudra mieux. Je m'en fous maintenant pour finir. Moi, personnellement, les meufs, elles font ce qu'elles veulent, quoi. C'est tout ce que tu peux préciser? Bah, je peux être une meuf, alors je m'en fous, quoi. Bah, ouais, mais je te demande, est-ce qu'il faut supprimer l'armée aux femmes maintenant, oui ou non? Tu peux essayer de préciser ta pensée quand même. Bah, franchement, je sais pas. Et avant qu'on t'appelle, t'aurais pas fumé la moquette, toi? Mais t'es pas tabou, là. Parce que dis donc, apparemment, vous avez l'air de répondre la moitié des questions, hein. Mais c'est toi qui mets pas le feu, Gérard. Non, mais attends, je disais mieux, les gars, vous répondez à côté. Franchement, hier, c'était plus. Enfin, je sais pas, ça pue le sein, quoi. Ouais, là, c'est tout, je m'endors et tout. Non, je critique pas ton débat, GG1, je constate simplement. Et alors, mais de toute manière, le premier débat, il se passe toujours calme. Attends, excuse-moi, là, je vais attendre le deuxième. Mais de toute manière, au deuxième, c'est pas sûr qu'on reprenne les mêmes, hein, pour cette année. C'est la première fois que je passe à l'émission de GG1. Stop! Pour reprendre un peu le thème du débat et reparler de l'armée un peu. On a c'est ce que je vais faire, un petit sondage. À la question combien donneriez-vous à une armée, 32% des gens ont dit qu'ils donneraient 2 euros, 28% donneraient leurs animaux domestiques, 40% donneraient leur approbation, et 1% ont déjà donné leurs dents et n'ont pas voulu donner leur moustache. Qu'est-ce que t'en penses? N'importe quoi. Rigo sur IRC. Sur IRC, il y a toujours du monde. Je passe les questions genre GG est-il homo? A-t-il eu des rapports tangibles avec une femme depuis son adolescence? Ça sert à rien, quoi. Non, mais ça, c'est pas du tout. On te demande si tu connais Rambo. Non. on va continuer là parce que. Il est quand même déjà Gérard 57, donc faudrait peut-être qu'on accélère. Il reste encore 6 questions. On a déjà fait la route. Plus de 3 minutes, GG. Alors, quels sont les inconvénients de... Ça va suffire maintenant. Quels sont les inconvénients ou les avantages de l'armée? On va demander ça, je m'en fous. Franchement, tu vois, les inconvénients, je sais pas quoi. Je l'ai pas fait, moi, l'armée. L'auditeur qui siffle, il faut qu'il arrête, hein. Ouais, franchement, ouais. Oula. Ouais, GG, je te dis, ouais. Ouais, alors pas, j'ai pas fait l'armée, donc je connais pas les inconvénients ni les avantages, donc je m'en fous, quoi. D'accord, tu t'en fous complètement. Non, je te dis, je l'ai pas fait, donc je peux pas te répondre, quoi. Prothèse. Ok, ouais. Prothèse. Ouais, je pense que les inconvénients, ça pourrait être qu'on peut pas se faire les meufs, comme on l'a précisé tout à l'heure. C'était des gros boudins. Elles sont les meufs, disait Tony. Et les avantages, je sais pas, j'en vois pas trop. Mm-hmm. Tony. Ouais, les inconvénients, c'est qu'on peut pas se baisser. Et les avantages, c'est que. Il y en a pas, en fait. Attends, tu peux préciser là, parce que je vois pas du tout le. Je le... que je précise. Ton nom. Non, mais tu précises la pensée que t'as. C'est qu'on peut pas le laisser, mais je peux pas le dire, ça passe pas. Ouais, d'accord. Alors, Tony, okay. Ça commence à bien faire, hein, toi. Croupion. Croupion. Croupion. Les avantages, c'est que quand t'es illettré, bah, tu peux trouver du travail. Oui. Les inconvénients, bah, c'est que ça fait chier tout le monde, quoi. Dans, tu peux préciser le. Des petits jeunes qui n'ont pas envie de le faire et puis ils sont emmerdés pour donner 10 mois de leur vie à ces connards, quoi. Donc, c'est... Non, mais attends, parce que. Ouais. Oh, Tony, ça commence à bien faire, toi, là, maintenant. C'est pas moi. Ouais, bah, tu vas te calmer parce que tout à l'heure, ça va être toi. Arrête de t'en prendre toujours à Tony. Oh là, Landouille, tu t'affermes. Maintenant, tu vas répondre. Oh, oui, je vais te parler à Landouille. Eh, ta gueule, Landouille. Bon, alors. Tu me mets Tony et Andouille ensemble, là, qu'ils arrangent leur salade. Ouais, quand ils ont terminé. Le dimanche aussi, on va se marier. Ouais, ça suffit. Tu mets Tony et Croupion, là, hors antenne. Ils vont faire leur petite popote ensemble, parce que c'est pas dans le débat qu'on fait leur popote. Okay. Canif. Bah écoute, tu peux répéter la question, s'il te plaît. Alors, quels sont les inconvénients ou les avantages de l'armée? Bah écoute, pour moi, les inconvénients, c'est l'uniforme. Ouais. Et puis, l'avantage, bah, je sais pas, il y a plein de gars, quoi. T'as le choix, au moins. Hein. Là, t'es sûr de pas être toute seule, hein. Ouais, mais là, comment ça Bah je veux dire, si t'es infirmière là-dedans, je veux dire. Quoi. Tu peux y aller, hein. Ouais, ça, de toute manière, tu peux très bien faire ton armée en étant infirmier ou infirmière. Hein. Ça, c'est strictement pareil. Hein. Ouais, non, mais pour ça, revient. C'est l'avantage. Non, mais ça revient à peut-on faire carrière en faisant l'armée, tu vois. C'est à peu près le même rapport que ce que tu me dis. C'est à peu près pareil que la troisième question qu'on avait posée. Hein. Ouais, c'est vrai. Rigaud. Oui, il y a Davy One sur IRC qui te demande si tu connais si tu as connu le soldat inconnu. Non. Donc, Ryan, bah, tu connais pas Ryan. Bah, sur IRC, on m'a dit que Gérard, c'était le soldat Ryan qu'on n'a pas retrouvé. Est-ce qu'on va le sauver au moins? Ça y est, ils ont. Bah, il n'a pas été sauvé. Ouais. T'en fais gaffe parce que tout à l'heure, je vais te sauver ma main sur ta gueule. Quoi. Oh, il s'est calmé là. Ouais, c'est bon. Alors, Andouille maintenant. Ouais, alors l'inconvénient, c'est que bah, on a l'impression de perdre son temps là-bas. Ouais. Et l'avantage, c'est que justement, bah, on perd pas son temps là-bas. Alors, tu peux préciser le pont? Bah oui, donc l'inconvénient, c'est que tu perds ton temps quand t'es là-bas. Oui. Et l'avantage, c'est que tu perds pas ton temps quand t'es là-bas. Ok. Ouais, d'accord, je vois à peu près. C'est logique. Ouais, c'est logique. Non, mais de toute manière, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'inconvénients ni d'avantages là-dedans, parce qu'en fin de compte, les avantages que t'as, c'est que... Bah, de toute façon, t'es obligé de la faire, donc... Voilà. Et en plus, t'es payé. Ouais, t'es payé. T'es payé combien, Gérard, à l'armée, justement? C'est une bonne question. Je crois que c'est 4 euros. Non, attends, normalement, non, si je me... Oh, on se tient. Bon, ça y est, oui. Je les ai coupés. Exprès. Normalement, je pense que ça ne te fait même pas la moitié de ton salaire. Tu dois toucher à peu près 1500 balles. C'est le SMAC ou pas là-bas? Non, même pas. Même pas. T'as le droit à une cartouche de cigarettes par mois et tout. Oui. Ouais, c'est prothèse, on a un peu parlé ce soir. Je voulais savoir si t'avais fait le parcours du con en te battant. Alors, hey, quand tu dis des trucs comme ça, tu vois, au lieu de dire con. Et puis battant, parce que toi, t'as l'air d'être con quand tu poses une question, donc pour toi, tu l'auras pas fait le parcours du combattant. Ouais. Et ça, c'est un truc qui est assez dangereux à faire. Ouais, bravo, GG. Bravo. Alors, bravo. Donc, la sixième question. C'est la sixième question, là? Ouais. Déjà? Ouais. Alors, vous allez réfléchir et on va s'écouter un petit morceau. À moins qu'il y ait une question IRC. Non, il y avait juste... Denis qui donne les avantages de l'armée, c'est le premier lieu où on a accepté GG sans faire d'histoire. Le désavantage, c'est qu'ils ne l'ont pas gardé. Bon, ça, je vois pas du tout le rapport. Alors, peut-on s'engager dans l'armée si on n'a pas de boulot? Donc, Canif. Bah ouais, je pense, ouais. Et tu fais quoi, toi, au fait, comme boulot? Moi, je suis secrétaire. Secrétaire? Secrétaire comptable. D'accord, naze. Eh ben d'ailleurs, c'est chaud comme la braise. Oh, eh, hey, vous vous calmez derrière, là. Eh, vos commentaires, moi, je vous emmerde. Voilà. Comme ça, c'est bien répondu, tout ça. Ouais, donc, moi, j'aime les femmes qui ont du caractère. Oh, tu t'écrases, toi. Tout à l'heure, tu as dégagé, toi, maintenant. Je vous préviens que là, 1h10, je vais gerber, hein. Ça va gerber sec. Non, gerbe pas. Voilà, c'est pas mal. C'est qui? Ah, c'est une... parce que... C'est, ouais, c'est Proteste, c'était une cabine, je vais le rappeler. L'invité mystère. Ok. Donc, Canif, elle a répondu. Andouille. Ouais, bah moi, je pense qu'on peut s'engager, effectivement. Voilà, ouais. J'ai rien d'autre à ajouter, parce que sinon, tu vas encore me gerber, alors je préfère rien dire. Voilà. Bon, alors, Andouille, c'est la dernière, c'est simple. Soit que tu réponds correctement, soit que tu gerbes tout de suite. C'est tu choisis. Simple. Non, non, non, attends, c'est à moi, avant. Hein? Alors, croupion. Ouais. Donc, pour toi. Bah, ça sert justement, quand t'as pas de boulot, à t'engager, ouais. Ouais, mais ça c'est je pense que il y a beaucoup de personnes qui vont me répondre ça. Et quand ils arrêtent l'école aussi, les gamins ils vont à l'armée, non? Non, ça. Non, mais attends, parce que l'armée, pour que tu te fasses recenser à 18 ans. C'est une poubelle l'armée, on dirait. Non ben non, mais. Oui, c'est qui là? Oui. Tu peux ajouter quelque chose? Oui. Moi aussi j'avais entendu parler que quand on voulait s'engager dans l'armée, il fallait pas avoir plus de 25 ans, je crois. Non, je pense pas, parce que ça, j'en ai pas entendu parler, ah, à mon avis. Non. Attends, Tony, il y a une question hier. Oui, il y a Area qui te demande si tu as rencontré Sandy à l'armée. Non, pas du tout. Sandy, je l'ai déjà dit la semaine dernière, comment que je l'avais rencontré sur un magazine. Non, mais Sandy, elle a fait l'armée. C'est pas le débat sur les tanks. Elle réparait les tanks. D'accord. Tony. Quoi? C'est toi qui viens de répondre les pas tanks? Pas du tout. Non, c'est moi, j'ai dit. Non, elle bosse à la banque. Donc, Tony. Ouais. Donc, pour toi. Ouais, bah, les jeux, c'est sur l'engagement, c'est ça? Ouais, Peut-on s'engager dans l'armée si on n'a pas de boulot? Peut-on s'engager dans l'armée si on n'a pas de boulot? Oui, parce qu'on fout rien, on peut y aller. Tony. Oui. Non, mais non. Attends, j'essaie de réfléchir. Là. Non, mais tu réfléchis. Gérard, ils te prennent pas à l'armée si t'as pas de boulot. Bah, de toute manière, tu peux t'engager si t'as pas de boulot. Hein. Pourquoi tu t'engages pas, toi, Gérard? Et qu'est-ce que c'est? Pourquoi que je t'emmerde, toi? Non, mais ouais, par contre. Tony, tu réponds, s'il te plaît. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Rigo. Par contre, moi, j'ai un exemple. J'ai une amie qui s'appelle Mélanie et qui avait son bac. Et donc elle voulait s'engager à l'armée parce qu'elle s'est dit ouais, j'ai un bac maintenant, j'aimerais bien faire l'armée, et ils l'ont pas accepté. Mais attends, t'as pas besoin d'avoir un bac pour aller à l'armée? Non, mais t'as pas le droit à l'armée d'avoir un bac. Faut complètement être starbé. Tony, mais pourquoi? Tu réponds? J'ai répondu. Attends, c'est bizarre, j'ai pas entendu ta réponse. Bah, c'est pas grave. Ouais, bah Tony, je pense que ça... Non, mais vas-y, continue, y'a pas que moi, allez, vas-y. Non, mais tu réponds. Non, mais là, l'engagement, il faut se faire encenser. D'accord, voilà. Eh ben, enfin, disons, t'es lourd à la détente, toi. Hein. C'est clair. Gérard, ouais. Par rapport à l'armée, il y a Davy One qui dit les fusils servent à fusiller et les tanks servent à t'enculer. Ouais, bah ça, je l'emmerde, lui. Manu, encore un petit sondage. Donc, l'avant-dernier. À la question combien donneriez-vous à une armée, 32% ont dit qu'ils donneraient 2 euros. Mais ça y est, tu l'as déjà fait, alors. Excuse-moi, il y en a une autre. Qu'aimez-vous chez une armée? 50% des gens aiment bien, 25% des gens aiment beaucoup, et 100% aiment le balcon avec les drapeaux Fun Radio, je comprends pas. Ça, toi, tu vois, Pildar, tes conneries, ça c'est tes conneries, ça. Non, c'est pas mes conneries. C'est tes conneries. C'est les sondages de l'éditeur. C'est quoi ça? C'est Noël? Pildar, tu m'éteins ça tout de suite. Pildar, t'éteins ça tout de suite. Et en deux, tu danses, ouais, Gérard, c'est Prothèse. Prothèse. Je pense qu'il est préférable de s'engager contre. Oh, Gérard, tu viens ou quoi là? Allô? Gérard, allô? Gérard, sur hier, vous entendez Gérard là? Allô? Qu'est-ce qui se passe? Il a failli balancer de l'île de Rigaud, donc. Prothèse! Ouais, allô? Donc je pense qu'il est préférable de s'engager quand on n'a pas de boulot, vu qu'on est payé à rien foutre par quelqu'un qui et j'aime bien les trahis. D'accord, et je m'en fous pour finir. Bah, franchement. Il s'en fout. Bah, non, ouais, je sais pas. Oh là là, Doc Gynéco. Tu vas gerber, toi. Ah ouais? Ils sont pas réveillés, les auditeurs. Non, je m'en fous, tu te réveilles, s'il te plaît, ou tu dégages. Bah, je sais pas, franchement, si j'ai pas de taf. Mais c'est jamais rien, mais pourquoi il vient? Fume trop, fume trop, mais. Tu reprends, je m'en fous au standard, là, ça va pas. Ça va pas, là. Tu me prôles, l'Ascar. Enfin, bref. Donc, je peux vous dire une chose, que pour ceux qui ont envie de s'engager, ils peuvent le faire s'ils n'ont pas de boulot, mais comme l'histoire du bac, ça n'existe pas. Hein. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un bac pour aller à l'armée. Mais ça, c'est des conneries. Quoi? Je crois qu'il faut minimum le brevet. Hein. Même pas. Certificat d'études. Non plus. Ok, alors voilà. Et toi Gérard, alors qu'est-ce que t'en penses de cette question? Bah, moi je viens d'y répondre. Mais je t'écoute pas. Moi t'écoutes pas, t'as qu'à te déboucher les oreilles au lieu de faire des conneries. Alors, septième question, faut-il en parler de l'armée en cours ou à la télé? On va demander à... Je m'en fous si ça va mieux pour lui. Ça va mieux pour lui. Ouais, j'espère. Alors, je m'en fous. Bah, la télé, ouais, on voit des émissions, quoi. Non, mais je pense qu'on t'a demandé de te réveiller, là. Apparemment... Je réponds à ta question, là. Alors, vas-y. Je te dis, les pubs et tout, on les voit à la télé, à l'école, il y a des mecs qui passent et tout, ils te parlent de l'armée, ils sont engagés, c'est beau et tout, c'est un métier. Mm-hmm. Et voilà. Ok, prothèse. Ouais, je sais pas, je pense qu'il faut pas trop en parler à l'école et à la télé parce que ça pourrait donner des idées aux gens, quoi. Mais non, mais de toute manière, c'est ce qu'ils font à l'heure actuelle. Ouais. En cours, je ne sais pas, parce qu'on n'a pas des... On n'a pas d'étudiants. On n'a pas d'étudiants, là, avec nous, c'est dommage. J'aurais bien voulu avoir un étudiant pour savoir... Tête avec... Hey, moi, je suis étudiant. Qui? Moi. Qui? Moi, je m'en fous. Et t'appelles d'où, toi? J'ai une thèse sur le shit, de Nantes. De Nantes? Ouais. Et donc, à ton avis, ils en parlent? Mais t'es étudiant en armée, toi? Non, mais est-ce qu'ils en parlent? Bah ouais, il y a plein de pubs partout. Ah bon? Il y a le fichier, là, sur les tableaux. C'est sur le shit. D'accord. Je pense qu'à mon avis, je crois que t'es en train de me dire des conneries. Tony! Écoute, à ma fac... Tony! Ouais, il y a trop de pubs. L'autre fois, j'entendais même sur Fun Radio, j'entendais une pub. L'armée de terre. Ouais, l'armée de terre recrute un mec avec une clé de 13 pour réparer les tanks. Donc je trouve ça inadmissible. Tony. C'est de la propagande. Tony, t'es sûr de ce que t'inventes, là? Non, mais il y a une pub en ce moment qui veulent. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de gens à l'armée. Ouais. Ils veulent plus y aller, donc ils font des pubs. Le pire, c'est qu'ils te mettent ça entre deux tubes. Ah, voilà. D'accord, entre deux tubes, t'as raison. Croupion. Ouais. Moi, je dis que non, il faut surtout pas en parler. Ça pourrait tu lui dis quoi? Non, mais ça va, là Bon, Gérard, t'écoutes les auditeurs, nous, je suis en train de régler un problème avec Manu, ça te dérange pas, non? Bon, en croupion. Oui, je te dis qu'il faut pas surtout pas en parler, ça pourrait inciter les gens à le faire. De toute manière, pourquoi s'ils en parlent, c'est que c'est pour inciter les jeunes à y aller, hein? Oui, bah, justement. Ok. Andouille? Ouais, bah je suis désolé, moi Fildar vient de me prendre en antenne, donc j'ai pas entendu la question. Non, attends, Fildar vient te prendre en antenne. Non, mais attends, Fildar est à l'arrière. Attends, j'ai deux secondes. Hey, Fildar, tu te calmes là? Non, mais attends, c'est qui parle là? Oh, comment tu parles à Fildar? Qui c'est qui parle là? Je m'emmerde. Non, mais attends, pour l'instant, c'est pas Fildar qui commande, c'est moi, c'est mes débats, donc c'est pas lui. Non, je suis d'accord, GG, mais voilà quoi. Fildar qui commande. Non, c'est pas Fildar lors des débats, c'est moi. Donc on a Andouille. Andouille. Fildar, c'est un petit teigneux, mais je l'aime bien quand même. Andouille. Non, je m'en fous, tu te calmes, toi. Et Andouille, t'es blonde ou brune concrètement, là? Non, je m'en fous, t'arrêtes ou tu dégages. Andouille, elle est pour moi. C'est un boulot de merde, Manu, ce soir. Je suis d'accord avec toi. Non, c'est pas Manu. Bah, je m'en fous, t'arrêtes pas de faire chier son monde. Alors, Andouille, pour la dernière fois. S'il te plaît? Andouille! Oui, non mais je te demande poliment si tu pouvais me répéter la question s'il te plaît. Alors faut-il parler de l'armée en cours ou à la télé? Moi je trouve qu'il faut pas en parler parce qu'on fait pas de politique à l'école. Non mais attends, on parle de l'armée, on parle pas de la politique. Ouais mais c'est la même question que la politique, faut pas nous prendre pour des cons aussi, t'as changé armée par politique. Tony, si t'es pas content, tu dégages, ok? Non mais je suis content, mais bon, c'est pour le dire aux auditeurs que t'as 15 millions d'auditeurs, faut le respecter quand même. Ouais bah attends, pour l'instant, toi... Depuis 10 ans, c'est les mêmes débats et tu ranges... Bon alors Tony, tu dégages, calme toi, Tony, mais... Hop, au revoir Tony. Au revoir Tony, hein. Toi Andouille, c'est pareil, au revoir Andouille. Dégage Andouille, allez. Bah si Andouille part, je pars. Dégage, c'est bien aussi, je m'en fous. Je m'en fous. Ah c'est bien, tu perds. On est dans la merde, on a plus de. Tu récupères 3 éditeurs, mais j'y vais, je les récupère, alors, je vais les chercher là devant l'avenue. Là. Alors, Canif? Bah écoute, Gérard, je crois que de toute façon, notre avis compte pas vraiment là-dedans, parce que s'ils ont envie d'en parler, ils en parlent quand même. Non, mais donc, je reviens à ce que Tony, soi-disant, tu disais que c'était pareil qu'on. La politique, non. Parce que si on en parle à la télé, c'est que ça insiste pas les jeunes à vouloir faire de l'armée. Comme Andouille a voulu dire, mais moi je pense qu'ils ont tout à fait raison de nous parler de ce qui se passe à l'heure actuelle dans certains pays. Donc ça va être. Ça va intéresser certains de toute façon. Ouais, mais ça va être la dernière question qu'on va poser. Oui. Tes prothèses, je voulais savoir si quand tu te mettais au garde à vous devant le général, t'avais la Gaule. Pas obligatoirement, non. Pourquoi? Parce que ça t'est déjà arrivé, toi? Bah non, mais je te posais la question. Un croupion. Oui. Si on te gêne, tu nous le dis. Hein. Ah non, mais je vous écoute. Non, mais tu peux quand même parler, hein, parce que pour l'instant. C'est que quand je parle, tu me dis de me taire. Non, attends, pour l'instant, je t'ai rien dit, donc je te demande de réagir. Oui, bah c'est parce que vous êtes plus que 3 sur 7, 6. Hein. D'accord. Donc tout le monde a fait le tour de la question. Ouais, ouais. Alors là, il y a une question qui va être bien, parce que je pense que c'est Canif qui a voulu en parler. C'est, ou même c'est, toi, c'est la quelle question, Gérard? C'est la numéro combien? C'est la 8. Encore 2, putain. Mais ouais. Non mais si t'es pas content, tu vois, tu poses ton casque et tu dégages. Ok, tu rentres chez toi. Ah. Hé, hey, Rigo, c'est pas à toi que je m'adresse. Putain, maintenant je me rends sur le visage. Alors, pourquoi faut-il faire 10 mois au lieu de 12 maintenant? Alors, on va demander à Canif. Bah là, j'en ai vraiment aucune idée, GG. Non, mais avant, c'était 12 mois. Maintenant, c'est passé à 10. Donc, le pourquoi? Ah, mais c'est ce que je te dis. Je ne sais absolument pas. Mmh. D'accord. Et toi, Croupion? C'est pour des questions de budget. Comment ça? Bah, il gagne 2 mois. Il gagne du fric en faisant que 10 mois. Mais non. Parce que ça a trop gueulé, je pense. Non, mais je pense pas. Non, mais c'est. Comme ça, ils payent pas les mecs pendant 2 mois, ils les payent plus. Quoi. Ah ouais, c'est une bonne idée, ça, je crois. Mais non, mais même, de toute manière, ils sont. Oh, vous arrêtez là derrière, là? Ou vous revenez bosser là correctement? Bon, attendez, je reviens. Ah, d'accord. Ok, on est tous 3 là. Bon, ok, ça va? Bon, on rigole, là. Donc, prochaine question. Alors, Protest, tu peux répondre, s'il te plaît? Ouais, ouais, donc, tu peux répéter, j'ai pas bien entendu. Donc la question, pourquoi faut-il faire 10 mois au lieu de 12? Disons, avant c'était de 12 et maintenant c'est passé à 10. C'est moi qui me suis trompé dans ma question. C'est des problèmes de calendrier avec les années textiles, non? Non, parce qu'avant c'était 12 mois comme et puis maintenant ça passe à 10 mois. Donc on se demande pourquoi ils s'amusent à changer. Oh, vous arrêtez avec la lumière et vous revenez bosser là. Parce que tout à l'heure, ça va chauffer pour vous trois, là. Tu fais des blancs, Gérard. Donc, Protest, toi, alors? Ouais, donc, je te disais, je pense que c'était un problème de calendrier, non? Bah non, parce qu'en fin de compte, non, il n'y a pas d'histoire de calendrier là-dedans. Hein. Ah bon? Parce que au début, c'était passé de... C'était 12, maintenant, ils sont descendus à 10, on ne sait pas pourquoi. Ah, ils ont raison, finalement, on se fait moins chier 10 mois que 12 mois. Quoi. Ils vont descendre à une semaine, là. C'est une semaine après. On récupère, ok. Ouais, alors on accueille 3 nouveaux auditeurs, on accueille Face de Paix, Petit Fion et Général Mon Cul. Bonsoir à tous. Non, on a un général. On a un général, ouais. Qui vient de quel corps d'armée? De l'armée de l'air. Général Mon Cul, ouais. Apparemment, c'est ce que... Et l'autre? Il y a Petit Fion. Ouais, bah voilà, c'était Petit Fion pour finir. Petit Fion, bonjour. J'ai avec moi le sergent Suspens Boule, si vous voulez. Ouais, non, mais ça y est. Bon, alors maintenant, on va demander à Face de Paix. Bon, Face de Paix. Ouais, salut. Salut. Ça va? Donc, toi? Oui. Donc, Alors, tu vois, moi, alors je t'explique. Moi, je pense que, ouais, bah 10 mois, franchement, c'est plus cool que 12, quoi. Parce que les mecs, déjà, ils y vont, c'est pas marrant, quoi. Tu sais, ça les galère. 10 mois, quoi? Bah 10 mois de l'armée, quoi. C'est mieux que 12, quoi. De l'armée? De l'armée. L'armée. Bon, Gildard, ouais, d'accord. T'écrases, d'accord. Donc, vas-y, je t'écoute. Bah, c'était pas bien. Je vais t'écraser. Ouais, alors moi, je disais que, voilà, quoi, quand tu fais 10 mois, c'est clair. Mm-hmm. Parce que 12 mois, c'est relou. Non, franchement, concrètement, le mec qui part faire son service militaire. Ouais. Ah, on est d'accord, c'est relou, 10 mois, 12 mois. Mm-hmm. Alors, il vaut mieux qu'il en fasse 10, t'as compris? Là, mais de toute manière, maintenant, au début c'était 12, maintenant c'est passé à 10, on se demande pourquoi. Mais de toute manière, que tu partes 10 mois ou 12 mois, de toute manière, tu perds quand même ton temps en faisant l'armée. Dans quel sens? Oh là là. Manu, ça suffit, toi. Bah, la semaine dernière, t'as fait du bon boulot, si tu commences à foutre ta merde, ça va. De toute façon, vous parlez de 10 et 12 mois, mais c'est pas ça l'armée, c'est une semaine maintenant. Toi, tu l'as même pas fait, tout écrase. Si, Fildar, il a fait l'armée, mais pour revenir au débat, sur IRC, on te dit en même temps que maintenant, l'armée, elle est plus obligatoire. Pourquoi? Si, l'armée est toujours obligatoire encore. Non, c'est pour devenir un métier. Ouais. L'armée est obligatoire. L'armée est obligatoire, c'est tout. Général Mon Cul. Général Mon Cul. Alors, en tant que général, je peux témoigner quand même. Vas-y. Parce que maintenant, on recrute surtout dans le civil. C'est fini tout ce recrutement administratif. D'accord. Petit Pion. Alors, tout d'abord, bonsoir Gérard. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, bah dis-moi. Tu es en amour avec un gradé. Oh! Il y a Merci. Écoute, on se retrouve en antenne alors. Pas de problème. Hein hey, attends, moi je suis plus grand que lui. On accouche maintenant là sur la question, on va pas s'éterniser là-dedans. Hein. Bah dis-moi, ça fait 12 mois, c'est trop long quoi. Bah dis-moi, c'est pareil. Hein. Il y a deux mois de différence. Mais ouais, mais si tu fais le con pendant tes 10 mois, tu refais un mois de plus, donc ça fait 11 mois. Ouais, mais si tu fais le con au bout de 12 mois, tu t'en retapes un de plus que si tu fais le con au bout de 10 mois. Ça fait 13, mais ça fait 11. C'est cumulable. Ok. Gérard, c'est prothèse. Oui. Ouais, je crois que c'est clair. Tu fais 10 mois, tu pars la fleur au fusil, puis tu fais 12 mois, bon, tu pars la baïonnette dans le cul. Alors. Ouais, bah, de toute manière, moi, j'ai fait 12 mois et je vais te dire une chose, que quand tu reviens, c'est chiant. Hein. Que ça soit 12 mois ou 10 mois, de toute manière, c'est vraiment des conneries, je sais pas pourquoi. Et t'as des permes ou pas? Ouais, mais alors, je vais te dire, les permes, c'est 48 heures et t'as une PLD, PLD, c'est une période de longue durée, c'est 10 jours. Dis-moi, Gérard, je peux te poser une question? Ouais. Est-ce que ça t'a plu, l'armée? Non, pas du tout, je me suis fait chier, je viens de dire. Pourquoi? Bah, c'est la question. Est-ce qu'on s'amuse en faisant l'armée? Ce sera la dernière question, après, on fera une petite conclusion rapide. De nos jours. Non, il reste encore. Non, on peut pas. On n'a pas le temps. Alors, je dis que. Max est venu nous dire. Il a dit que tu ne gérais pas le débat, que c'était à chier, donc on va faire l'autre débat. C'est toi qui fous ta merde, alors toi, tu vas commencer par la fermer. Continue ton débat, c'est pas du tout la fête de finir. Alors, est-ce qu'on s'amuse en faisant l'armée de nos jours? On va demander ça à Canif. Bah écoute, ouais, je pense qu'il y en a qui s'amusent et d'autres qui s'emmerdent. Donc c'est pour toi, même en faisant l'armée, on peut s'amuser avec ses copains. Hein. Pendant la récré, ils font des jeux. J'ai des copains qui ont fait l'armée, et puis ils m'ont dit que même si des fois c'était un peu chiant, ils avaient quand même de bons souvenirs. Non, mais ça, de toute manière, tu gardes quand même, à la pointe, tu gardes quand même un bon souvenir aussi. Bah, hein. Attends, faut quand même faire quelque chose, parce que si tu passes 12 mois à t'emmerder, faut quand même faire quelque chose. D'accord. Moi je dis que ouais, dans l'armée tu t'amuses pas beaucoup parce que c'est clair que, à part que si t'as des G.I. Joe ou des Small Soldiers, ouais, tu peux t'amuser. D'accord, je vois pas du tout le. Hors sujet. Croubion. Oui. Non, tu te fais chier à l'armée. Ah bah d'accord, toi c'est carrément ta réponse. Ah ouais, ça les passionne pas les nanas l'armée. Ouais, okay. Faut abréger même toi. Il y a Max à la télé là. Attends, toi pour l'instant tu vas la fermer. Ouais. Ok. Quoi? Tu vas fermer ta gueule maintenant. Ça va être clair. Passe de paix. Non, reste poli. Passe de paix, s'il te plaît. C'est passe de paix, là. Je suis dans la hanche, moi. Passe de paix. Oui, je suis là. Gérard, c'est prothèse, je suis dans la hanche. Ouais, prothèse, tu t'écrases maintenant, s'il te plaît, merci. Excellent. Gérard, assis-toi bien, parce que là... Bon, allez, prothèse, il me dégage. Hop, terminé pour prothèse, comme ça, il fera moins de con. Il fera le con chez lui, Gérard. Passe de paix. On termine. Ouais, c'est cool, l'armée, tu fais le con, quoi. Ouais, bah, tu t'amuses ou pas? Bah ouais, parce que t'as pas envie de faire la reconnerie, alors tu fais le con, donc tu t'éclates. Puis l'armée, tu devais t'éclater parce que tout le monde devait se foutre de ta gueule avec la face de paix. Bah non, ouais, mais de toute manière... Parce que tu sais... Attends, toi, Pildar, tu as... Bagne-toi. Ouais, mais tu vas t'écraser un peu, toi. Tu vas laisser finir les gens parler, au 3 minutes. Face de paix, vite fait, là, on accouche, là. Tu peux finir, là? On accouche! Gérard, je suis dans la hanche. Ouais, mais est-ce que je peux finir? Prothèse, tu dégages! Je voudrais dire aussi que quand on a les oreilles de ouf. Quand on a les oreilles de ouf. Dégage-moi, prothèse, là! Aïe! Est-ce que je peux finir? Non? Non? Oui? Non, aïe! Vous chalmez là ou je vous chalme, moi, maintenant? Alors, face de paix, tu réponds correctement? Mais moi, ça y est, j'ai répondu. D'accord, général de mon cul, là. Ouais, c'était première place. Général mon cul, on accouche. Là, je suis dans la hanche. Ta gueule, prothèse. Répétez la question, s'il vous plaît. Bon, allez, vous me faites chier, allez, je vais conclure la question. Allez, conclusion. Hop, basta. Conclusion. Janif. Fais passer les autres, j'ai jure. D'accord, petit pion. Petit pion. Conclusion. Je suis là. Mais bouge pas ta hanche. Prothèse ta gueule! Donc tu veux ma conclusion? Ouais. Bah écoute, j'ai écouté ton débat parce qu'en fait je viens d'arriver sur la chaîne, donc j'ai eu le temps d'écouter très attentivement. Et bah moi je trouve que l'armée, c'est en concluant vraiment très très brièvement, hein, parce que je sais que t'as pas trop le temps, mais il paraît que l'armée c'est aussi excitant que de te rencontrer dans les chiottes de la loco. Alors moi je t'emmerde, petit pion, dégage, bonne nuit, au revoir. Général mon cul. Oui, alors c'était un très bon débat, je voulais le dire. Et j'aimerais dire aussi un petit message pour... Non, il n'y a pas de message. Le dénommé Philippe qui est de... Non, il n'y a pas de message, salut. Face de paix. Je voulais dire. Face de paix. Face de paix. Général Montu, vous voulez dire, allez vous faire foutre en son âme. C'est bon. Je respecte, je te mets au trou. Ta gueule, face de paix. Ouais, face de paix, là. Moi, est-ce que ce serait possible d'avoir Truffion, là, en antenne? Pas de problème. Bon, alors, c'est la conclusion, ça. Allez, je. Conclusion du débat, face de paix, dernière fois. L'armée, c'est de la merde. Bon, alors, d'accord, pour toi, c'est la conclusion. Croupion. Ouais. Débat pourri, et puis regardez la 6, il y a Maxou, quoi. Ah bah alors c'est vrai. Alors attends Croupion, moi je vais te dire une chose, si mon débat c'est de la merde et que tu regardes M6 à la place, dans ces cas-là t'avais qu'à pas participer au débat, ok? Va bouffer tes croupions. Mais salut. Arrête de bouger de la hanche. Canif. J'ai pas vraiment de conclusion. Enfin si quand même, c'était pas mal, mais c'était spécial mais pas mal. Quand je vous demande des conclusions, quand vous me dites faites passer les autres, je voudrais bien que quand tout le monde passe, que vous ayez quelque chose à dire. Parce que si c'est pour me dire, pour mieux écouter, regarder M6, il y a Max qui passe. Gérard, t'énerve pas sur moi, j'y suis pour rien. Non, mais c'est pour Croupion que je m'adresse spécialement. Ah ouais, c'est pas moi qui fais engueuler, hein. Donc, on le sait, on l'a aussi dans les studios, Max. Alors, donc, voilà. Pour alors. On en a parlé en début d'émission. Bon, ça y est. Gérard, j'ai une conclusion sur l'IRC. Ouais. Alors, Davy One qui donne sa conclusion, il dit, eh bien, si la plus petite unité de temps, c'est la milliseconde, la plus petite unité de longueur, c'est le millimètre, la plus petite unité de l'intelligence, c'est le militaire. Ah bah d'accord, c'est pas mal sa conclusion. Ma conclusion, c'est dommage que qu'on a été forcé d'abréger sur la 9e, parce que sinon, ça s'était bien passé dans l'ensemble. Ouais, moi, j'ai pas appris grand-chose. Hein. Toi, t'as rien appris parce que t'es con, toi, c'est pas de ta faute. Donc toi, de toute manière, tu resteras toujours contre toute ta vie, alors t'attends 11h30 pour bosser au standard, donc ça sert à même pas... Ta conclusion, Gérard. Donc ma conclusion, c'est... Ça s'était bien passé. Si t'es pas content, je t'emmerde. Tu prends une chose, tu prends tes clics et tes claques et tu te casses chez toi. Comme ça nous prend des vacances.